Continuer avec vous en vous disant merci pour tout ce que vous avez posé comme acte à notre endroit et en vous disant que maintenant il est le moment propice pour nous, l'Afrique, pour décoller. Quand décoller, quand il y a un événement, il y a un décoller. Peut-être qu'il y a eu COVID-19, nous ne voulons pas voir. Quelles sont les opportunités qui sont offertes à l'Afrique? Donc, ça, on l'a dit très bien. Zambé à l'Ikolo, Banjelou, Bakoko, Batelema, Bakomina, étape Oyo et Sengeli, que l'Afrique a qu'à réfléchir, ni n'a qu'à qu'à. Voilà pourquoi je suis en train de féliciter les chefs de l'État de mettre cet état de siège, en même temps de valoriser les fils dignes du pays, le professeur Mouyembe Tamfoum. Il n'y a que Bakoka qui réfléchit, va trouver comment Bakoko sala chloroquine wana. Parce que nous pouvons avoir encore des messages contraires pour dire écoutez, chloroquine est encore traité moutouté, boyenaboye, c'est possible. Parce que cette histoire, bon matabo kita, attaque au bapéchi, explication, il y a que sana, ça vient. Na l'oposo pembe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que ce botali et bomi mingi et pas mindele bazali. Mindele n'est pas que l'Europe. Talandenge bomi na Chine, talandenge zo bomi na Italie et belé, bomi ba France et zo kende. Cela veut dire qu'il y a un message particulier que le Seigneur nous donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, chez nous en Afrique, les alaki soué yangambu. Parce que vidéo on a collé sangote ya mundele azoloba pour nani bango ezo kotate basi pas c'est peli ke koti mais pour ça la ravage ndenge bazako kanisa nkolo azali kolo bakoko bazali na kati ya biso bazako tambola même si vous ne le voyez pas avec l'œil le tout puissant Dieu a tout prévu que les grands prophètes de tout le temps Jésus-Christ ils sont là, les Mahomet sont là et peut-être que je dois toucher une certaine sensibilité. Il y a que, bon, voilà, Toza Bahindou, il ne faut jamais citer ça. Non, je cite, parce qu'il y a des gens qui ont la croyance en Christ, les gens qui ont la croyance en Mahomet, chacun à son niveau. Mais pour ce qui me concerne personnellement, moi, j'ai dit, ce qui me touche, moi, c'est que, Batoyo Basalaka médecine traditionnelle, Batelema Nalikamboyo, et puis sa thérapie. Thérapie, on a ce qui est Simbi Makasi. Tango mindele koya po e ya koluka traitement, ba pesa na kinswe kite, po mtu mususo komona kaka, a pesi pour $100, a kanisi ya silisi nzala. Bo se confie na ba inerbe wana, bo se confie na message président de la République a pesi, pour que, so ki yabandi ko traite o ya biso, tango bako banda koya koluka ango, toko futisa, cher, po mbo karabisi zwa mbongo e dekole. Un autre élément na linga kina loba, Congolais, vous allez apprécier que vous avez dit que vous avez un vaccin. Ce qui est vaccin, c'est que vous avez un vaccin. Vous avez un vaccin. Et vous allez très sûr que vous avez un vaccin. Vous allez un vaccin. Vous avez. Parce que nous en savons quelque chose. Tout ça semble. Parce que vous avez un vaccin. Vous avez un vaccin. Vous avez un discours d'amour comme si les frères en face ont l'amour envers nous. Non. Nous avons des guerres en Afrique créées par eux. Nous avons des chefs de l'État assassinés par eux. Nous avons de toutes les mauvaises choses créées par eux. L'occasion est là. Bosangana, Naoka qui sera ma chef coutumier. Bon sala musala cette fois-ci pour être sérieux. Ba phytothérapeute. Bon luka qui si oyo ko traiter bokono yo na musika convaincre ango c'est le départ. Président afungoli maboko pona ko yamba bino ntu. Réseau est beaucoup avancé exacté. Et donc vous êtes obligé de voir comment ça avance, comment ça va aller et réussir. Pour un vaccin, basala na nukura na ba Italie, ba pesa partout, ba koki ko zala mbangu mbangu te ko ya na vaccin. Surtout pas batu ya ya muto yo ba bengi muto amaki ntoshi ce qu'il est non là-bas. Combo et Kimi, ça va venir, hein, ça va venir, ne vous en faites pas. Donc, maintenant, ici, Temi Alelo Nazakoloba. Ah, Bill Gates. Te, l'isolo na ya akotaka na vaccin tomo yango. Ça présage, pour vous qui êtes chrétiens, pensez à l'opération 666. C'est-à-dire, personne ne pourra vendre ni acheter sans la marque de la bête. Nde, si ka ba okende la batu, na ba Macintosh wana. Nga ba Bill Gates, il faut être très, très regardant. Si vous doutez, ça vous regarde. Parce que le Kouana, on nous avise que le vaccin, c'est le Kouana, c'est le Kouana. Est-ce que tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de réellement. Cette fois-ci, tout ce qui est en colo, tout ce qui est en coco, il y a que, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, que vous jamais dans mon âme, il y a un peu de temps par rapport à un vaccin. Mais parce que aussi les sangs on a mis son boulou, naibi ango, tant on a zolo babato bazoka, baibi ango, et ça prenait fin. Petite sœur, oh elle a dit ngai, bah traita kaya na yango j'avais vu. Si kawa présent dans le public à celle loko monene, régis des eaux pour sa maille, ce n'est là pour sa courant. Vous n'allez pas dire que nous allons traiter Bokono Oyo en lavant régulièrement les mains et que Maï tout ça n'angote. Et puis ça, ma kamwa ko kamwa, neti na ville ya Kishasa, neti na République démocratique du Congo, ba traversa yango la ba rivière et Maï na biso za Maï ya bien et senga ka ba cérémonie e belete. Incapable de nous donner l'eau. Ah, tozolo ba na quartier na biso ça fait 2 semaines, Maï zati. Mais, ba fleuve, c'est si ma yabanda koulabiso tout oyo. Ma kamwa soni. Ba rivière moussou, j'ai traversé. Luka yaza pembe nyawa. Ma kamwa soni ya kozanga ma yina pays oyo. Courant, tozo te kango e pa bapaya, mais tozo zangango. Tokoko ma batunini. Si vous trouvez que c'est impossible de tenir avec ce que nous avons comme courant, to kati kontra na pays oyo moussou, j'ai zwaka, po biso foto zara nango ava ya koteka. C'est comme ça. Il faut tout comme à un niveau. Wana. Je suis en train de dire, bon respecter au président de la République Assali. Mais c'est le président de la République, félicitations. Mais maladie, mon nene à Congo Zalaka, suivi et Zalakate. Parce qu'à l'heure qu'il est, je vous informe que, Makamouboloba qui a taxi, taxibus, batou va comme retirer, mitou karabango na moi, naboutou va zoton di sabatou kakandenge, basala kakala. Pourquoi? Parce que il y a suivi les alakatés dans le pays. Il va continuer comme ça sans crainte. Parce que c'est vrai, l'occasion est en gros, il y a un vaccin, il y a un vaccin, pas un délété. Mais tout le monde doit se disposer à faire des choses. Il y a un peu de casse. Tant que le taxi est en train de se faire, il y a un bon. Parce que Zangi y a un bon, il y a un bon. Il s'en foutre à santé à battre. Des fois, mon monde est en si on ne pas, il y a malade de côté, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a Cuba, il y a des gens qui sont en Italie. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Pays mon côté. Et il y a des gens on ne peut pas mourir pour eux. Monisko ayawa parce qu'ils ont foutu. Ayawa pe asil sigerte a fandeli ango. Tango biso moko to telemi na idée qu'il faut ici là de tokomi na étape tokomi. Cela veut dire que nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. Vous raisonnez le comme vous êtes l'oral au bas. Nous n'allons pas négliger cette histoire. Et donc, ici, je voudrais dire que Sinel a respecté, Régie a respecté. Pour que vous assurez que Makamboloba, qui est chef de l'État, qui est au Salema, si vous avez une enquête, dans le quartier, vous avez la vérité. Netia waso ke na tandere ya mai ya régie des eaux sika ya stoka ka poa tinda mai ezali mais otinda la batute moteme za mabe niveau moko ko ndimate. Et donc c'est un peu ça ici na uti ko ebisa bino o yetali bolingo nini bolingo ya biso moko ba kongole to andenge nini. Quand on aura viré ce côté, Corona wana ils ont pardonné. Mais tous ont la possibilité à Obunda, les lots oyonaba yele na biso to bunda to longango mindele ba ke to longaki. C'est là que commence le respect. Mais en même temps, les Congolais médiocres. Nakatanga, ba yoki kaka ni solo ya coronavirus, fufu elongwe na 35 000 francs et commis 130. Quel peuple congolais? Hawa, Babilo kwa miki tout ça consomme 500 francs, nasombi angolobi 2000 francs. Bah tu vas comment préparer comment faire souffrir le pays? Le noir prépare à souffrir son frère noir. Ce qui alors maladie on écoute le corona en Italie, na ba boko musu na ba Chine, na éviter ce qui peut-être. Foufou na rumbashi kokoma 500 000 francs. Parce que nous sommes mauvais de l'intérieur. Vraiment mauvais. Olito Bunda, chef de l'État Zola la Tepongi, va suspendre le conseil des ministres. Parce qu'on trouve que c'est sérieux. Parce que Bato Bazoku Fanango Bokondi Mati. Un an, qu'est-ce que vous faites? Bolingo Sakaka Yambongo. Nakamwe je suis sidéré. Ya koyoka ba pasteur ba tindi ba numéro ya MPSA ya Orange Money na Airtel Money. Bazoloba bo tinda mabonzera bino à travers téléphone. Misala ba télémis. Ko circuler comme il passe. Pasteur, yo kanisi siko ba to ba ko produire mbongo ba tindi la yo. Po nanini yo oza ko s'intéresser te ke olele la nzambe. O ebisa Christ que il faut intervenir maladie et si là. Batouba zonga na église. Mais yo zotin de la bango ba numéro batin de la kayombongo. Toi qui es Dieu. Vous voyez un peu l'église au Congo? Donc ce qui vous intéressait à ces gens, quand nous on avait dit fermez ces églises, les gens qui venaient à l'église, ils venaient travailler pour vous. Oh, topé si ba numéro pour que l'église fonctionne. Parce que ba pegi si église. Yozo senga mongo, église nini a fonctionné si koyo. Église nini. C'est-à-dire, bah, tinde la yo avec. Parce que vous allez habituer chaque culte mongo. Chaque culte mongo. Les lobes à quatre cultes. Olobi bah, tinde la kayo na MPSA. Bah, tinde la na Orange Money. Bah, tinde la na Airtel Money. Yo bah, tinde la yo. Yo lia bien. Moi, sinon, na ban. C'est ça être pasteur maintenant. Vous devriez vous gêner en disant des choses comme ça. Vous devriez vous gêner. Le peuple souffre. On n'amène pas le peuple à Christ. Moi, il y a l'argent. Bah, tu vas me dire que tu as la Bible est là, quelqu'un peut payer et puis lire à la maison. Prier ne veut pas dire être devant un pasteur. Tu connais tes besoins, tu t'adresses à Christ. C'est tout, tu t'adresses à Dieu, le Créateur. C'est tout. Les panafricanistes, adressez-vous à Dieu, le Créateur et à vos ancêtres. Ça demande de l'argent? Non! Sans but. Oh non! Ton numéro encore d'abord, tine de l'église est fonctionné. Et fonctionner l'église, c'est quoi finalement aujourd'hui? Bato yo moye ba teka ezati. Bino kongwe komi cher, il faut y aller attendre. Moutra moutra débrouiller. Yo pasteur ba tine de l'eau na banane. Bato bino de bon messen si bango. Ici, Je voudrais mettre une vidéo de quelqu'un qui s'indigne de la même manière dont je parle. On dirait pour na Congolais pas sur le côté et sengwa batumusus. Awa basengi batuba lutter. Nazo mona kamuko nazo lo balo baye moko les autres silence radio. Bazela kaka ko consommer. Tolanda mama Pauline Mujinga à partir de la France à Lobinin. Tolanda. Bote na bino nyoso bande ko nangai ba Congolais balandia télévision papa Kajombo. Na pesi bino bote na isika nyoso bino bozwami. Ezalinga iwa bino mama Mujinga Pauline na ye lisusu. Lelo yo na ye parce que na za na mawa. Na ebite soki za mawa, soki pe za kanda, soki pe za pasi na ebite. Likambo zo sala nga pasi lelo eza likambo oyo na moni ke pa na biso. Na za komituna mingi. Ba Congolais olingi ndeko na yo to te Congolais. Bi motuna na nga ndeza wana. Parce que lelo yo na yo ki sango nga imoko na zoke na yo ki sango kune pa na biso. Et loko oyo bazaye koteka $20 ba bakisi lelo yo komi $40 mande konanga pona nini. Pona kaka parce que malade ezali corona ezali yango na bolingi bo ganye mbongo na bino sima ya mande kona bino. Pona nini bino boza boye. Hein? Na bamboka msusu batu baso sima na maboko, batu msusu baso pisa biloko wakulia ofele. Bino bozo kumate loko bocha ki $20 bozo kamisa mo bozo pesa mo $80 ba msusu $100. Mi oyo nini oyo ko? Oyo peple nini oyo akwazan bolingo ya ndeko na ete. Hein? Na linga rama kambu yako silikate me, likambo yoso pesa nga pase, yoso pesa nga soni. Na mboko tozali a tozala bandeko na biso mususu ya ba africain mais baza ko se comporter de bino boza ko se comporter na Kinshasa te hein pona nini bozali ko za saki a loso ezaki soki 25000 soki 30000 bozo kamata bozo chango 60000 bo kanisi ke boko za mbongo kaka na me periodo ya corona oyo hein bino osambela hein bochaka mabolo na bino na se pona ko sambela pona mboka na bino Congo. Vous êtes capable de faire un sac à l'os, vous êtes capable de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac pourquoi vous êtes réglementer de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac à l'os. Vous êtes capable de faire un sac à l'os. Oyo nini oyo penza nini en tout cas nazali na ezo sala nga soni en tant que congolais ezo sala nga soni makasi bosambela eza mawa mingi eza mawa congolais eza capable ya kumata mbongo liboso kotika ndeko na ye esali nga soni na mawa en tout cas na yebi kutu ndeni na lobate me eza pasi eza penza pasi. Donc, biso ba misusu tozo bundanawa, to luka moyen, to kendo kopesa ata bandeko na biso, nani krize zo kota na ba maladi oyo toyebi esika euti te, esika nini monguna alingi kuta misusu balingi koboma biso nyonso, hein? Bandeko na bino, to luka ata ba moyen, to salisa bango, hmm? Ngai na tindi batukuna, lobi bazisa ki afufu na 30 soki combien, lelo e double, yango nini wana, hein? Yango vraiment nini, bosalinga soni. Naza sone lo kwa kolobate, il fallait kana lo be bima, parce que non kwa kola la boite, il fallait kaka e bima. Tu kokuta na mbala asima. Bo uti kolanda mama Pauline Mujinga, très indigné, ya comportement oyo bozanango. Franchement, nous, on ne développe jamais l'amour entre nous, on développe l'amour de l'argent. Yangwana na mona ki batu ebele oba yinaki chef de l'État, on a lingina kuta na président de la République. Na mutu ya mutu ya zoke nekukuta na preza, amoni mbongo yine vwa pa le chef de l'Etat ke na zope se makanisi po a dirije mboko yobye, yi vwa l'argent. Et dès qu'il arrive là-bas, ba solole sili, ba ebisye se très bien, on va te donner un conseiller ou travaye na ye, mbongo ebimite, soki abimikaka kofinge bandi. Parce que nous avons développé trop l'amour ya mbongo na pays na biso. On peut même vous corrompre avec rien au côté du vaccin à l'Iwa. Développons l'amour du pays. si nous aimons notre pays, développons là par la suite l'amour du prochain. Si nous aimons le prochain, l'amour va s'exercer entre nous. Ba découvrir biso na ba tout que ba toana ke ndena mongo ba kozwa. Et puis ba kolashi. Vous avez vu au niveau de Lubumbashi un agent, il y a DGM, Azoko sauver un Français. On dégage ça pour le bio outil France, bakokolandalandayo. Comment est-ce que vous avez vu? Moundele Akamba, moi je viens de la ville. Non. Bako compliqué yo. Il est en train de sauver. Azongi siye, Moundele Akamba, Akamba, Lukuta. Et puis à côté, voilà nous les Noirs. Pas tout le monde, bien sûr. Généralement, ce que nous sommes. Mawai Beli. Batu mususu bazo teka sikoyo masanga na kisweki. Batu baye sima sans bruit. Bakati kaka miziki mekuna na kati. Bakuta ni ebele bazo mela masanga. Soki ba ramase ba virus kuna bakobima bazo ngi na bandako na bango apesi mwasi. Mwasi dokola tika langana bana bazui. Parce que tout ça batu moko nous ne prenons rien au sérieux. Et ici, Tala et Lokomoko et Salemaki. Un Sud-Africain meurt à Kolwezi avec coronavirus. Mindele bandekonaye ba jizuye ba kepo ba kendeko kundaye, mais ba bomba ka secret wana. Awa gouverneur Muyeja a outi ko décrété 48 heures y embargo, y a confinement, a sanangona retard. Mais batou babomba qui se crée sur votre propre terre. Et même les gens qui étaient là, le noir, babomba qui. Bolanda veteroyo, denge basa ko kundaye, ko noir abatami, azolo baka na telephone ya ko batama ye wana, azoko ne bom. Mais, tout monaka vidéo moko na lakisa kabino que une Belge a attaqué en face. Bolanda veter. On peut prendre ça dans notre tente, c'est en cachette. On nous a tous chassés pour dire qu'on se casse dans notre tente. Il est là. Il est mort. Il est déjà mort. On vient d'arriver ce cas-là. On vient d'arriver ce cas ici. Le coronavirus au camp Kamo, précisément camp Major. Bon moni, bazine de konabango, bache na mutuka, bakei. Qu'est-ce qui c'est qui a suivi après? Qu'est-ce qui a suivi après? Tango moko wana ba bombi boye. Est-ce que makamu mususo ba bombi to ye ba yango? Bandeko. Tofungula miso moma yango. Eloko yo esalemi na poto. Ezo boma poto. C'est comme je vous avais dit l'autre fois. Il faut pas tout imiter. Les leçons de balobi génération population ya Europe comme vieille pourquoi? Ba développa homosexualité moyen ko botezati ba komo ko kufa ba jeune ba komi muke. Batu mwindo ba bolingi boko tali solo yango. On est comment? Vous pensez que tout ce que le blanc fait est bon à imiter? Franchement, est bon. Na beta sete na régie des zones snel. Mawa. Mutwazana mai ako boya ko fungola mai ake ko tambola boko makulukai. Muto akura ko kanga kabine akura akati kura ake ko tambola boko lukai boko tize mbongo pa ya kuzongisa kura. Pourquoi tout ceci s'est fait? On punit difficilement dans notre propre pays. On punit difficilement et on est lent à punir. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Zambe abako qu'on a vu soit tellement. Tolonga bitumba oyeza teste ya munene. Dieu va voir. Êtes-vous capable de vous assumer et de mériter les richesses que je vous ai données ou pas? Merci, portez-vous bien.